الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Nous entrons dans le chapitre numéro 20 qui s'intitule l'exagération au sujet des tombes des hommes pieux transforme ces dernières en idoles adorées en dehors d'Allah. L'exagération au sujet de la tombe des personnes pieuses transforme ces derniers en choses à adorer en dehors d'Allah. Al-ghulu takallamna an hadha wa qulna innahu mujawazat al-had. Mujawazat al-had. Wa huna ghulun khas. Wa huwa al-ghulu fi qubur as-salihin. Ay في حد صفة التي ينبغي أن تكون عليها أو في الأعمال التي تقام عندها. Donc l'auteur va nous parler ici de l'exagération des gens dans les cimetières et auprès des tombes des personnes pieuses. Cette exagération peut avoir lieu en élevant par exemple la tombe. Cette exagération peut avoir lieu en écrivant sur des plaques qu'on mettrait sur la tombe, en décorant cette tombe, en mettant des caractères distinctifs sur cette tombe. Tout cela fait partie de l'exagération. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد هذا الباب كالتي سبقت في صد ذرائع الشرك وبهذا حماية التوحيد. Donc ce chapitre, comme ceux qui sont passés, est un chapitre qui a pour but de préserver les musulmans des moyens entraînant au shirk, des causes faisant tomber le croyant dans le polythéisme. Il y a donc, avec l'étude de ce chapitre, la préservation du tawhid. أما مناسبة الباب لما قبله رأينا في دروس مضت التحذير من عبادة الله عند قبور الصالحين وأن هؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل عند قبور الصالحين ملعونون وأنهم من شرار الناس عند الله. وهنا بين الشيخ أن العلو في قبور الصالحين وسيلة إلى الشرك العظيم المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات. Donc l'auteur a cité ce chapitre afin de nous mettre en garde contre les causes menant au shirk akbar, celui qui annule l'islam et le tawhid de la personne. Concernant le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, l'auteur, après nous avoir mis en garde contre l'adoration d'Allah Azza wa Jal auprès des tombes, après nous avoir mis en garde contre l'adoration d'Allah Azza wa Jal auprès des tombes de personnes pieuses, et que ces gens-là sont maudits et qu'ils sont les pires des créatures auprès d'Allah, dans ce chapitre, il nous met en garde contre l'exagération faite auprès des tombes des personnes pieuses, car tout cela peut entraîner la personne à tomber dans le polythéisme majeur, l'adoration des morts, l'adoration des saints, et les prendre en tant que divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَى فِي صَنِيعِ الْمُؤَلِّفِ شِدَّةَ النُّصْحِ لِهَذِي الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فَرَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً دَائِمًا نَدْعُو لِهَذَا الْمُؤَلِّفِ لأنه سلك طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. On voit ici combien l'auteur été véridique dans son prêche, nahsabu kadhalik wallahu hasibu, est sincère envers les membres de cette communauté. Il a déjà parlé deux fois des tombes. Et il revient encore ici, nous parle à nouveau de la gravité et des grandes conséquences qui résultent de l'adoration d'Allah Azza wa Jal auprès des tombeaux, particulièrement des tombes de personnes pieuses. Car cela peut faire tomber les gens dans le polythéisme majeur. L'auteur a donc ici, et en est vraiment emprunté le chemin des prophètes, karrara wa a'ad, nawwa'a wa fassal, rahimahullahu ta'ala. وكل هذا لعلمه بأهمية التوحيد وبخطورة أمر الشرك وأنه يفسد علينا دنيانا وأخرانا فرحم الله المجدد. L'auteur, on voit qu'ici il a cité, a répété, a détaillé, a dit les choses de manière différente, tout ça pour nous faire comprendre parfaitement le tawhid et pour nous mettre en garde de la meilleure façon contre le polythéisme. Et ne pensez pas que cela est une action anodine, non. Mais c'est le résultat d'une grande connaissance d'Allah Azza wa Jal, de l'importance du tawhid et de la gravité du polythéisme. Cet auteur savait que si le musulman tombait dans le polythéisme majeur, avec cela, il anéantit son bas-monde et son au-delà. C'est pour ça qu'il ne cesse à travers ce livre de nous faire comprendre l'importance du tawhid et la gravité du shirk. C'est pour cela qu'il nous faut invoquer Allah Azza wa Jal pour cet homme qui a été sincère dans son prêche. On doit invoquer Allah Azza wa Jal, les savants des droits sur nous. Et subhanallah, par madha l'intermédiaire de quel livre nous avons connu le tawhid. Amma ana bi kutubi, me concernant par l'intermédiaire de ses livres, à lui, al-usul al-thalatha, kitab al-tawhid, al-qarad al-arba'a et d'autres, farahimahullahu ta'ala. Pensez à invoquer Allah Azza wa Jal pour al-shikh. Pensez à invoquer Allah Azza wa Jal pour cet auteur. Barakallahu fikum. Sachez que l'exagération portée aux tombes des personnes pieuses se manifeste sous plusieurs formes. Anwa'ul al-ghuluw fi qubur as-salihin 'adida wa mutanawwi'a. Minha ma huwa shirk akbar. ومنها ما هو بدعة وضلالة. Le jugement de l'exagération portée au sein des tombes des personnes pieuses diverge selon l'action commise. Une partie de ces actions ont pour jugement l'innovation et l'interdiction, comme le fait d'élever les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, ne laisse pas une tombe élevée sans la rabaisser. Tout ça pour préserver at-tawhid. Aussi le fait d'y construire, de construire sur cette tombe, ou de mettre des rideaux, d'embellir la tombe, d'inscrire sur cette tombe, et ainsi de suite. Tout ceci relève de l'innovation et a pour jugement l'interdiction. Il y a aussi des actions qui entrent dans le polythéisme majeur. Si la personne vous donne un acte d'adoration aux morts, comme le fait d'égorger pour le mort, ou de venir invoquer le mort, ou de venir demander l'aide aux morts, et ainsi de suite, tout ceci entre dans le polythéisme majeur. Par contre, si la personne vient au cimetière et a comme croyance que d'adorer Allah dans cet endroit est meilleur, ou prend de la terre de cet endroit, ou vient pour lire le Coran à cet endroit en pensant que c'est un endroit méritoire où il y a plus de bénédictions, donc plus de récompenses, ainsi de suite, alors on ne dira pas qu'il est tombé dans le polythéisme majeur. Du fait qu'il n'a pas donné l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc distinguez bien entre celui qui adore Allah Azza wa Jal auprès de la tombe et celui qui adore le mort. Celui qui donne une adoration autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un mushrik kafir. D'accord? Alors que celui qui adore Allah Azza wa Jal dans cet endroit aura commis une innovation, mais ne sera pas sorti de l'islam. Wal kullu azim wa khatir. Et tout cela est grave et immense. والله مستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit que Malik, c'est-à-dire l'imam Malik ibn Anas ibn Malik rahimahullah ta'ala, l'imam de Médine, comme vous le savez tous, qui est décédé en l'an 179. Il rapporte, donc c'est un des quatre imams, il rapporte dans son livre qu'on nomme Al-Muwatta, c'est un livre très connu, qui est un des livres les plus authentiques. Il y a des hadiths, des athars de compagnie, et certaines de ses paroles. Et parmi les meilleures explications, le livre de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, At-Tamhid. Il y a du kalam sur le sanad, mais quoi qu'il en soit, il y a des shawahid, donc je ne vais pas m'étaler sur cela. Celui qui veut plus de détails, vous revenez au shuruhat. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم donc l'imam Malik رحمه الله تعالى nous cite un hadith dans le Muwatta dans son livre. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit اللهم أصلها يا الله. اللهم signifie يا الله بالإجماع. Donc lorsque vous voyez اللهم, ça veut dire يا الله, oh Allah. C'est lorsque tu appelles Allah. حذفت يا النداء لأجل البداءة بسم الله وعوض عنها بالميم الدالة على الجمع. لا تجعل قبري أي لا تسير أو لا تسير قبري وثنا يعبد. يعبد صفة كاشفة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a invoqué Allah en disant oh Allah, ne fais pas de ma tombe un lieu où on adore autre que toi. Ou Allah, ne fait pas de ma tombe une chose qu'on adore en dehors de toi. Al-Wathan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Al-Wathan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ceci soit représenté ou pas. Alors que As-Sanam, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais de manière représentée. Donc Al-Awthan, c'est un pluriel, son singulier c'est Wathan, et c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici le prophète sallam a dit Yu'bad. Chaque Wathan est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est ce qu'on appelle Sifatun Kashifa. Ishtadda et Azuma. Puis le prophète sallam nous dit la colère d'Allah est grande contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. La colère d'Allah est grande comme ceux qui, contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Pour quelle raison, ou plutôt de quelle façon, bilbina'i ala al-qubur wa bi-ittikhadhiha qiblatan lis-salah wa bi-ibadati Allah was-salati 'indaha. De quelle manière est-ce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes en lieu de prière? De trois manières, comme nous l'avons cité, on peut résumer en disant deux. Premièrement, en construisant dessus. Deuxièmement, en prenant les tombes en lieu de direction de prière, comme lieu de direction de prière. Et troisièmement, en priant sur la tombe ou auprès de la tombe. المعنى الإجمالي خاف النبي صلى الله عليه وسلم يقع في أمتي مع قبره ما وقع من أهل الكتاب مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله فسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثنا ثم نبه على سبب لحوق شدة الغضب بأهل الكتاب شدة غضب الله بأهل الكتاب وهو الغلو في القبور حتى وقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur que se produise auprès de sa tombe ce qui s'est produit auprès des tombes de certains prophètes passés, dans des générations et dans des peuples passés. C'est que jadis, certaines communautés ont pris les lieux, les tombes de leurs prophètes en lieu d'adoration. En lieu d'adoration. Et ils ont construit sur ces tombes et ont adoré Allah Azza wa Jal auprès de leurs tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur que certaines personnes fassent la même chose dans cette communauté avec sa propre tombe. Car les gens ont exagéré dans la religion. Et on sait que cette communauté, ou certains membres de cette communauté, suivent les traces des communautés précédentes. Alors il a invoqué Allah Azza wa Jal pour que sa tombe ne soit pas pris comme lieu d'adoration où on adore autre qu'Allah Azza wa Jal. Puis après cela, il nous a informé de la cause qui a valu cette grande colère d'Allah sur les gens du livre. Quelle est cette cause? C'est qu'ils ont pris la tombe de leur prophète comme lieu de prière. Et ceci a été la cause qui les a fait tomber dans le shirk. Évident. Donc dans un premier lieu, ils ont pris ces lieux comme lieu de prière. Mais par la suite, ils ont adoré les morts. Ils ont adoré les saints, ils ont adoré les pieux, ils ont adoré les prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Et sans aucun doute, celui qui adore un mort, celui qui adore qu'Allah Azza wa Jalla est tombé dans le polythéisme majeur et a annulé son tawhid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, de par son enseignement parfait et sage, nous a parlé de la cause du shirk. Puis nous a cité la rétribution de ces gens-là. Donc il nous fait peur de leurs actions. Il nous met en garde contre le polythéisme et les causes menant au polythéisme, en nous citant la colère d'Allah Azza wa Jal sur ceux qui ont fait cela, c'est-à-dire l'exagération auprès des tombes, des personnes pieuses à leur tête, les prophètes et messagers. ماذا مناسبة الحديث لهذا الباب؟ Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit de manière claire qu'exagérer auprès des tombes ou à l'égard des tombes des prophètes et des personnes pieuses est une cause menant au polythéisme. Et par cela la personne reçoit la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal. Wallahu subhanahu wa ta'ala stajaba li hada du'a. Allah azza wa jal a exaucé cette invocation. Et a fait que personne n'a jamais pu prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lieu de prière, en lieu d'adoration. Car dans un premier temps, il a été enterré dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Celle-ci a été divisée en deux, comme nous l'avons expliqué. Par la suite, on a construit un mur. Par la suite, un deuxième et on a entouré. Et par la suite, un troisième rempart. Donc personne, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, a pu se rendre auprès de cette tombe pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à l'exagération, certes, elle est effective chez une partie des gens qui ont exagéré à l'égard du prophète sallam. Mais est-ce qu'ils ont pu se rendre auprès de cette tombe pour adorer Allah azza wa jalla ou autre qu'Allah? Non. Car Allah azza wa jalla a répondu à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ou à travers ce hadith, on voit la motivation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à l'appel du tawhid. Et on voit aussi le souci qu'il avait pour sa communauté quant au shirk. Il parle à la meilleure génération. Il parle aux personnes les plus pieuses, aux personnes les plus savantes. Et malgré ça, il a peur pour eux du shirk. Malgré ça, il a peur pour eux du shirk. Donc nous, à plus forte raison, sommes des générations éloignées du prophète sallam. Et notre science est moindre que celle des compagnons. Et c'est pareil pour toutes les qualités. Wallahu al-musta'an. Et c'est ainsi que doit être le prêcheur, le prédicateur et le bon conseiller. Il doit sans cesse rappeler aux gens le tawhid, sans cesse mettre en garde les gens contre le polythéisme. Car, comme a dit Cheikh Salah Sindi, la propagation des tombes et des idoles adorant dehors d'Allah Azza wa Jal a pour parmi ses causes le fait que les prêcheurs sincères sont peu. Et parmi les prêcheurs sincères, peu sont ceux qui font ce prêche, qui orientent les gens vers le tawhid, qui enseignent de manière détaillée aux gens le tawhid, et qui enseignent de manière détaillée aux gens le shirk, et qui mettent en garde contre les tombes et contre l'exagération, plutôt contre l'exagération dans l'adoration madha, à l'égard des tombes des personnes pieuses, et ainsi de suite. Voilà pourquoi se sont répandus dans beaucoup de pays d'Afrique noire, d'Afrique, Mada, du Maghreb et d'autres pays. Il y a ni les tombeaux et l'adoration des tombeaux. Et subhanallah, certaines personnes ont cela comme religion. Et chez eux, si tu ne te rends pas auprès de la tombe du saint, alors tu n'as pas d'islam. Alors que l'islam est venu pour enlever cela, subhanallah. Ils sont exactement sur le contraire de l'islam. Et pour eux, celui qui n'est pas comme eux n'est pas dans l'islam. Subhanallah. Va voir au Sénégal, va voir au Mali, va voir au Maroc. Bon nombre de personnes se rendent auprès de tombes, de personnes pieuses, et adorent Allah Azza wa Jal. Vous avez tous entendu parler de la tariqa Tijaniya. Vous avez entendu parler de Tijaniya. Ce sont des soufis, ce sont des mouchrikoun. Ce sont des soufis, ce sont des mouchrikoun. Hein? وأخونا صادق ضيفنا يذكرنا ببعض مواصفاتهم تحذيرا من الوقوع فيما وقعوا فيه وكي نتعلم لعل نتقي شرهم. Et notre frère Sadak, qui est notre invité, va nous citer certaines de leurs caractéristiques, de leurs égarements, afin de nous mettre en garde contre ce grand mal et qu'on ne se fasse pas duper. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. Donc, vous avez pu constater que ce n'était pas prévu. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On m'a demandé de parler sur la confrérie soufie égarée, dite At-Tariqa At-Tijaniya, la voie Tijaniya, en référence à un homme qui s'appelle Ahmad At-Tijani. Cet homme est un Algérien et il est le fondateur de cette secte, de ce groupe égaré du soufisme. Cet homme est né dans le désert d'Algérie et a grandi dans un milieu où les gens, parmi ses proches, parmi les gens de sa famille, baignaient dans l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient les idoles, particulièrement les tombes, ou plutôt les personnes qu'ils ont qualifiées comme étant des personnes saintes et qui étaient enterrées dans des tombes sur lesquelles on y avait construit des mausolées. Ahmad al-Tijani a fait plusieurs voyages. Il est allé à plusieurs reprises au Maroc, il est allé aussi en Égypte, Il est allé aussi dans certains pays d'Afrique. Et il raconte, et vous savez tous que c'est du mensonge, car vous étudiez At-Tawhid ici, il raconte que au fur et à mesure de ses voyages, il se rendait chez les grandes personnalités, les gens saints, qu'on appelle Al-Awliya. Et il dit qu'à chaque fois qu'il rencontrait ces gens saints, il lui disait, tu vas devenir quelqu'un. Tu vas devenir quelqu'un de très aimé. Et tu vas atteindre un degré chez Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va être très élevé et personne ne t'aura précédé dans ça. Et lui, quand il raconte sa vie, il dit, et moi je disais aux gens, nous ne sommes que des adorateurs d'Allah. Et allez, il est modeste dans son shirk. Qatalahumullah. Ensuite, le temps est passé, et quand il est revenu du Maroc, il est revenu dans son village natal en Algérie, et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait le voir plusieurs fois en rêve. Et tout le monde lui disait qu'il faisait partie des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ne voulait pas y croire. Jusqu'au jour où il a dit, le prophète est venu me voir et il m'a dit, oui tu es mon fils, oui tu es mon fils, oui tu es mon fils. Et depuis que le prophète est soi-disant venu le voir, il croit qu'il est des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il dit qu'il était chez lui en train de méditer. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui de son vivant. C'est-à-dire, en vrai, on ne parle plus du rêve. Au début, il racontait qu'il venait en rêve. Là, il dit qu'il a atteint un degré de foi tellement haut que le prophète alayhi salatu wa sallam est venu le voir. C'est-à-dire qu'il est sorti de sa tombe, wal'iyadu billah, il est allé chez lui et il lui a dit, laqad balaghta al-manzil. Tu as atteint le haut degré. Wa sa'allimuka salatan, je vais t'enseigner une salat avec laquelle tu vas délaisser toutes les autres confréries soufis que tu suivais. Car At-Tijani, il suivait des maîtres soufis jusqu'à ce grand mensonge, dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam lui aurait dit, à partir de maintenant, tu vas être mon disciple le plus rapproché, et je vais m'occuper de ta protection, et je vais te donner une invocation que tes disciples devront répéter. Cette invocation, elle a été répandue, malheureusement, en premier lieu dans le Maghreb, l'Algérie, surtout le Maroc, parce qu'Ahmed Tijani, il est mort au Maroc, et on l'a enterré à Fès. Et les gens voyagent de tous les pays d'Afrique, et ils voyagent même de certains pays les plus éloignés pour aller jusqu'à Fès, tourner autour de la tombe d'Ahmed Tijani, comme les gens tournent autour de la Kaaba. Wal'iyadu billah. Donc, les gens, plutôt Ahmed Tijani, a dit, le prophète m'a donné ce qu'on appelle Salat al-Fatih. Salat al-Fatih, la prière de celui qui ouvre. Celui qui ouvre, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a ouvert des portes qui étaient fermées auparavant. Et donc, Ahmed al-Tijani a dit à ses disciples, celui qui récite une seule fois Salat al-Fatih, ça sera meilleur pour lui que de réciter 6000 fois le Coran. Wal'iyadu billah. Anzoro. Le frère dit qu'il a entendu ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Luqman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on prenait 7 fois Al-Bahr, passe-moi Surat Luqman. Il dit, dans le sens global du verset, parce que j'ai oublié le verset, il ne me revient pas. Le sens du verset, c'est que s'il y a tous les arbres de la terre pour s'en servir comme plume, avec tous les océans de la terre fois 7 pour s'en servir comme encre pour écrire les paroles d'Allah, ça ne serait pas suffisant. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. C'est-à-dire, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait sept autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Et Ahmed Tijani, il dit aux gens, celui qui récite une fois Salat al-Fatih, c'est mieux que 6000 fois le Coran. Et les gens l'ont cru. Et ils ont commencé à réciter Salat al-Fatih. Et ils ont plusieurs modes pour le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent dans leur mosquée. Ils posent un tissu blanc par terre. Et ils se mettent tout autour. Et ils disent que comme Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'être unis, « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا » et « Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah », on ne doit prononcer cette invocation que tous ensemble à une seule voix. Et si on a des manques dans cette invocation, on aura un manque dans la baraka qui va nous venir. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et alors ils se mettent ensemble et ils prononcent cette parole que franchement je n'avais même pas envie de lire. Allahu musta'an. Ils disent Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, ce qui veut dire oh Allah, prie sur notre prophète qui a ouvert ce qui a été fermé. Ala kulli hal. Et d'autres paroles encore. Ensuite, cette prière s'est répandue malheureusement dans les pays avoisinant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et après, non, j'y arrive au Sénégal. Et après la prière du Jumu'a, ils se mettent tous ensemble et ils récitent Salat al-Fatih pour prendre un peu de baraka d'Allah. Wal'iyadu billah. Il y a un grand savant marocain que les gens doivent connaître. Il s'appelle Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Ce grand homme est passé par nombreuses sectes avant de rejoindre les gens de la Sunna. Cet homme-là, il a vécu pendant le temps de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, le Sheikh du Sheikh ibn Baz, rahimahullah, et son élève Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Il était très intelligent. À un point, il connaissait plus de 9 langues, le français, et toutes ces langues, il les parlait couramment maîtrisées. Il maîtrisait le français, l'anglais, l'arabe, l'ourdou, la langue des Pakistanais et de quelques Indiens. Il maîtrisait l'hébreu, la langue des Juifs. Il maîtrisait l'allemand, exactement, et beaucoup d'autres langues. C'est celui qui a traduit le Coran en anglais. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a traduit qui a fait la traduction du Coran en anglais qu'ils ont en Angleterre. Cet homme-là, Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, est né au Maroc. Il parle dans un livre qu'il a écrit, qu'il a intitulé « Al-Hadiyatul Hadiya ila Ta'ifati Tijaniya » « Le cadeau offert à la secte Tijani » et qui est censé les guider. Il raconte son histoire dedans et il dit que quand il a rencontré le grand savant Abdul Aziz ibn Baz, le cheikh lui a demandé d'écrire un livre car il était connaisseur de cette secte et de ce qui était fait dans cette confrérie. Et il raconte dedans un peu l'égarement des Tijani, de ces gens-là. Quoi qu'il en soit, il est bon de revenir à ce livre pour avoir plus de détails. Ensuite, ça s'est propagé en Mauritanie, ça s'est propagé au Sénégal, ça s'est propagé au Mali. Et d'ailleurs, on dit de Tombouctou que c'est la ville des 360 mausolées. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Mecque pour la conquête, combien est-ce qu'il a détruit de statues? 360. Et ça vous montre la véracité des paroles du prophète alayhi salatu wasalam qui dit « Vous allez suivre les gens qui étaient avant vous. Et même s'ils entreront dans le trou du lézard, vous allez entrer avec eux. » Au Sénégal, il y a une ville qui s'appelle Touba. Dans cette ville est enterré un homme qui s'appelle Ahmadou Bamba. Et Ahmadou Bamba, c'est le grand maître spirituel des disciples soufis du monde. Et cet homme-là, pendant la colonisation française du Sénégal, a pris la fuite à Libreville, au Gabon, où il y est resté 8 ans. Ensuite, en Mauritanie, 4 ans. Ensuite, il est revenu en France, au Sénégal. Et quand les Français qui ont colonisé le pays ont vu qu'ils ne voulaient pas les combattre, ils l'ont laissé libre et ils ont arrêté de lui causer du tort ou de lui faire des ennuis. Ils ont même voulu lui proposer la Légion d'honneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, en vérité, il va nous être utile, car tous les gens le suivent. Pas parce qu'ils ont vu un jour où ils ont voulu l'attraper, tous ses disciples ont donné leur corps pour le protéger. Cet homme-là, quand il est mort, il a été enterré à Touba, au Sénégal, et ils y ont construit une mosquée avec le carrelage le plus cher au monde. Et celui qui... Et vous pouvez regarder sur Internet, mosquée Touba. Moi, j'étais là-bas. Allah Akbar. J'étais là-bas. Voilà, témoignage. Il était là-bas. Celui qui voit cette mosquée, il ne se croit jamais au Sénégal ou dans un village. Ala kulli hal, le soufisme n'a rien à voir avec l'islam. Tijaniya, ce sont des associateurs, des polythéistes, des mouchrikoun. Le Cheikh Mohamed Taqi al-Din al-Hilali, il raconte et il dit, quand j'étais jeune, pendant 9 ans, j'ai fait Salat al-Fatih. Cette prière-là, il l'a récitée pendant 9 ans, chaque jour à une heure bien précise. Une centaine de fois ou je ne sais combien. Il dit, et dans le tijanisme, dans cette confrérie, on t'apprend que tu dois te concentrer dans un endroit, si tu es tout seul, et faire ces invocations, tu fermes tes yeux et devant toi tu te mets l'image de Ahmad al-Tijani. Ça c'est le Cheikh Akbar, il te le rentre dans le cœur. Il faut que tu penses à lui et quand tu fais les adhkar, tu penses à lui et tu t'accroches à lui. Ils te disent, dans al-Tijani, ils te disent que si après tu invoques le maître, on ne parle même plus d'Allah ici, Azza wa Jal, qui lui est enterré à Fès, le maître, Ahmad al-Tijani. Si tu l'invoques et il ne te répond pas, c'est parce que tu as eu des manques avec lui, tu n'as pas bien fait les invocations. Wal'iyadu billah. Mohamed Taqi al-Din al-Hilali, rahimallah, il dit, j'avais un chameau et je cherchais à l'attraper. Et il prenait la fuite. Et j'ai tout fait pour l'attraper, mais je n'y arrivais pas. Je me suis dit, le moment est venu d'invoquer le maître pour qu'il m'aide. Il raconte, il dit, j'étais un associateur. J'ai demandé le secours à un autre qu'Allah, Azza wa Jal. Il dit alors, j'ai levé les mains et j'ai invoqué le maître. Et je l'ai invoqué, je lui ai demandé, donne-moi l'aide, aide-moi à attraper ce chameau, aide-moi. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, à chaque fois que je l'ai invoqué, il ne m'a jamais répondu. Jusqu'au jour où il a rencontré un cheikh de la Sunna dans son pays, au Maroc, avec lequel il a eu une discussion. Et dans cette discussion, le cheikh lui a dit que les gens qui suivent Tijaniya sont égarés. Et lui a eu peur des représailles de Tijani s'il ne le défend pas. Regardez, c'est quoi le cheikh al-Akbar. Tijani, il est dans le cœur, wal'iyadu billah. Ensuite, il a eu un débat avec cet homme. Le cheikh de la Sunna lui a dit, je vais te montrer le caractère caduque de cette croyance par 5 points. Écoute-les. Il lui a dit, premièrement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les compagnons ont longuement discuté, ça a duré 3 jours, pour désigner le successeur du prophète alayhi salatu wa sallam, le califat, qui fut Abu Bakr radiallahu anhu. C'est-à-dire que les musulmans, pendant 3 jours, n'avaient pas de gouverneur. Et d'ailleurs, on n'y avait pas encore enterré le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une affaire très importante à régler. Donc, pendant ces 3 jours, les muhadiroun sont arrivés, ceux qui ont émigré à la Mecque, et ils ont dit « Minna amir »« Wa minkum ayyuhal ansar amir » Et vous aussi, les ansar, vous aurez un gouverneur. Chacun vient avec un gouverneur. Et il y a eu des longues discussions. les musulmans étaient un peu confus, ils étaient un peu perdus. C'était une affaire qui touchait toute la communauté musulmane et qui touchait l'avenir de l'islam. Ça, c'est le cheikh de la Sunna qui dit ça, cheikh al-Hilali qui était djani pendant qu'il y a la discussion. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu les voir pour régler ce problème. Il n'est pas venu les voir pour trouver la solution à ce problème qui touche toute la communauté musulmane et tout l'avenir de l'islam et des musulmans. Et toi, tu dis qu'il est venu voir Ahmed et Tidjani chez lui juste pour lui donner une dua qu'on appelle Salat al-Fatih. Et qu'est-ce qu'il lui répond à cette époque, Al-Hilali rahimallah, il lui dit, ce n'est pas pareil. Allah fait don de ses grâces à qui il veut et Ahmed Tidjani, il a un rang spécial. Le cheikh lui a dit, c'est pas grave, retiens-la celle-là et médite-la quand même quand tu vas partir. Et il lui a cité 5 points où les musulmans avaient besoin d'une solution très rapide, notamment une grande bataille qu'il y a eu et qui a opposé des musulmans, beaucoup de musulmans. Il y a eu une discorde, le shaitan est rentré entre eux, ça a fait un problème, il y a eu un grand combat, le sang a coulé. Il dit à Cheikh al-Hilali, il lui dit, tout le sang des musulmans qui a coulé et le prophète n'est pas venu. Alors que s'il venait et qu'il disait une seule parole, le problème serait réglé. Et toi, tu dis qu'il est venu voir Ahmed et Tidjani pour lui donner une dua. Et il lui a cité 5 points. Le cheikh, il dit, au bout du 5e, je me suis rendu compte que j'étais égaré. Et petit à petit, comme ça, il s'est détaché de cette voie. Ala kulli hal, pour vraiment résumer, c'est une chose qui est présente à très très grande échelle. Et il y a des gens, mukhaddiloun, makhdouloun, des gens à qui Allah Azza wa Jal n'a pas accordé son aide, n'a pas accordé son assistance et ne leur a pas donné la vraie compréhension de la religion des prophètes alayhim salat wa salam, qui disent, pourquoi est-ce que vous parlez des tombes? Pourquoi est-ce que vous parlez de Tijani? Pourquoi est-ce que vous parlez de toutes ces choses-là alors qu'ici nous n'en avons pas? Ça montre l'ignorance de la personne. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettez en garde contre le shirk, contre les innovations, avant qu'elles n'arrivent. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on se protège d'un mal. Si on connaît le mal, on est protégé. Dès qu'on oublie et qu'on ne connaît pas le mal, on est contaminé. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas tel et tel aliment? Parce que depuis que tu es petit, on t'a enseigné que c'est mauvais pour la santé. Mais si on ne te l'avait pas enseigné, tu l'aurais mangé. Donc ça, c'est la première chose. Et quand le shirk est apparu sur terre, qu'est-ce qui a été dit? Lamma nusiya al-ilm ubidat. Les 5 hommes pieux qui étaient adorés par le peuple de Nuh alayhi salam. Au début, on a mis les 5 statues à leur effigie et on ne les adorait pas. Les générations sont arrivées les unes après les autres jusqu'à celle qui est arrivée et qui ignorait la raison de l'existence de ces idoles. Le diable est venu, leur a dit, adorez-les, vos ancêtres les adoraient. Ibn Abbas a dit, lamma nusiya al-ilm ubidat. Quand on a oublié la science, on a adoré autre qu'Allah. Donc c'est comment que le shirk est apparu? C'est quand on a arrêté de prévenir les gens. Deuxièmement, si, selon la prétention de ces gens-là qui se sont égarés et qui ne sont pas à al-jadd, dans la vraie voie des NBA, des prophètes, si on dit selon ce que eux disent qu'il n'y a pas de tombe ici, donc ça ne sert à rien d'en parler. Cette parole, ça montre qu'elle n'a pas senti l'odeur du tawhid, cette personne-là, et qu'elle n'a pas appris le tawhid dans ses détails. Parce que le tawhid, avant tout, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Donc, quand on dit qu'il est interdit d'adorer des tombes, une personne peut avoir le même jugement que quelqu'un qui adore une tombe, même si toute sa vie, elle n'a jamais adoré une tombe. Pourquoi? Parce qu'elle a la croyance dans son cœur qu'on peut le faire. Et la personne qui a la croyance dans son cœur qu'on peut le faire est identique à la personne qui le fait. Donc, quand tu mets en garde contre l'adoration des tombes, même dans un endroit où il n'y a pas de tombes qui sont adorées, sache qu'il y a des croyances présentes dans les cœurs où on croit qu'on peut adorer les tombes. Et bien pour ça, c'est suffisant de mettre en garde contre l'adoration des tombes. Et bien d'autres choses encore. Et l'islam n'a rien à voir avec le soufisme. Ils disent nous connaissons le côté caché de la religion. Et le côté apparent, c'est la masse des musulmans qui le connaît. Leurs grands maîtres disent, nous sommes arrivés au degré du yaqin, de la certitude, donc nous n'avons plus besoin d'adorer Allah. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment l'alcool, ils s'adonnent à la fornication, et d'ailleurs ils prennent même les filles de leurs disciples, hein, et ils leur disent, je vais mettre la baraka à ta fille, wal'iyadu billah. Et qu'est-ce qu'ils font avec elles? Ils font ce qu'Allah a interdit, wal'iyadu billah. Et Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, avait 30 ans quand Ahmad al-Tijani est né. Et ce shir qui a écrit Kitab al-Tawhid a vécu jusqu'à 92 ans. Il est mort en l'an 1205. En l'an 1205, ce qui correspond à peu près à l'an 1795. Hein? 1206. Et ce qui veut dire que quand il avait 60 ans, Ahmad al-Tijani avait 30 ans. Et c'est à 30 ans qu'Ahmad al-Tijani a dit aux gens qu'il y avait Salat al-Fatih. Donc, ils ont vécu à la même époque. Et je pense que je ne me trompe pas si je dis que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah l'a longuement réfuté dans ses écrits. Et si vous revenez à Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés dans le Tawahid, vous allez voir qu'il répond aux partisans du soufisme. Je vous ai pris trop de temps, veuillez m'en excuser. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خيرا بارك الله فيك الشيء بالشيء يذكر ومرسي notre frère Sadaq وفقه الله cet éclaircissement, cette explication et cette mise en garde. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre tout cela et plus encore en balance de ses actions pieuses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qu'on en adore. La colère d'Allah est grande contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Munasabatul hadith al-bab anna al-ghuluwa fi quburi al-anbiya yaj'aluha wathanan tu'badu min duni. Wa min al-ghuluwi fi quburi al-salihin wal-anbiya ittikhaduha masajid. Li'anna wa hadha yu'addi ila shirk al-a'zam. Et la shirk al-akbar. Donc on tire de ce hadith que le fait d'exagérer au sujet des tombes des prophètes les transforme en lieu où on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au final, en idole ou en chose qu'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on en fait des lieux de prière, des lieux où on adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Nastafidu min hadha al-hadith ithbat sifat al-ghadab lillah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi. On tire de ce hadith l'affirmation de l'attribut d'Allah qui est la colère, comme il sied à sa perfection subhanahu wa ta'ala. خلافا لأهل البدع من المعطلة المعتزلة الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا المراد بغضب الله إرادة ماذا إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه وما إلى ذلك من التأويلات الباطلة التي هي في الحقيقة تحريف. Donc, Ahl al-Sunnah affirme ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé dans le Coran. Parmi les attributs et ce que le Prophète lui a affirmé dans la Sunnah. Parmi les attributs d'Allah, la colère. Donc on dit qu'Allah Azza wa Jal se met en colère. Mais la colère d'Allah n'est pas semblable à la colère des créatures. « Ala haddi qawli Allahi tabaraka wa ta'ala laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Comme Allah nous dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Dua un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada, wa khawfuhu min wuku'i ma waqa' min qabl dalilun ala butlani qawli dhalin Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait invoqué Allah en ces termes, le fait qu'il ait eu peur qu'on prenne sa tombe en lieu de prière et du polythéisme, est la preuve qu'il peut y avoir du shirk après son envoi dans cette communauté. Contrairement à ce qu'ont dit les ignorants, pourquoi parlez-vous de shirk alors que les gens sont entrés dans l'islam en masse? Alors que. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dua car cette chose était possible. Il y a également une réfutation à ceux qui ont dit Ash-shirku ibadatul asnam wa fi'lu fi'li kuffari quraish billati wal 'izza bil ahjari wal ashjari wa wa. Amma nahnu yaquluna amma nahnu نتوجه إلى الصالحين وهذا توسل وطلب الشفاعة طلب شفاعة في هذا الحديث رد عليهم. Donc ils disent, les associateurs de notre époque, pourquoi est-ce que vous faites descendre les versets sur le shirk sur nous alors que ceux sur qui ils sont descendus adoraient des pierres et des arbres et ainsi de suite, alors que nous nous dirigeons vers des saints et des prophètes? Ça. Dans ce hadith, il y a une réfutation, une belle réfutation pour ces gens-là. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de sa tombe, et c'est la personne la plus pieuse. Donc, haddu shirk, laysa bin nazar ila naw'iyatil ma'boud min dunillah, bel sarfu l'ibadati li ghayrillah shirkun mutlaq. Donc, tu ne reconnaîtras pas le shirk en regardant ce qui adore en dehors d'Allah. Mais, le simple fait de donner l'adoration à un autre qu'Allah, sans regarder qui est cet autre, c'est le shirk akbar, comme on l'a vu dans Qa'id al-Arba'a. Donc là, le shirk n'est pas propre à l'adoration des pierres, des arbres et autres, non. Mais même si on adore un prophète ou un ange, ça s'appelle le shirk. Wal-iyadu billah. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala dit dans le Masail, Al-Ula tafsiru al-Awthan, on tire de ce chapitre l'explication des awthan. Al-awthan kullu ma'ubida min dunillah. Al-awthan jam'u wathan wa huwa kullu ma'ubida min dunillah. Al-wathan, ou bien l'awthan, c'est le pluriel du mot wathan. Wathan, c'est a pour définition tout ce qui adore en dehors d'Allah. Tout ce qui adore en dehors d'Allah s'appelle wathan, que soit représenté ou non. Bi khilaf al-asna wa ma'ubida ala ma'za ala ya'ni musawwaran. Alors que l'asnam, c'est le pluriel du mot sanam, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais sous forme représentée. Il nous dit al-thalitha, annahu sallallahu alayhi wa sallam, lam nasta'idh illa mimma yakhaf wuku'uhu. Ça revient à ce qu'on a dit auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cherché protection auprès d'Allah, si ce n'est d'une chose qu'il a eu, dont il a eu peur et qui est réalisable et qui peut se réaliser. Si le prophète a cherché refuge auprès d'Allah ou protection auprès d'Allah afin que sa tombe ne soit pas adorée en dehors d'Allah ni prend lieu de prière en dehors d'Allah, c'est une chose possible. Il y a des choses qui se passent à notre époque. Si cela avait eu lieu au temps de Kuffar Quraysh, écoutez bien, au temps de Kuffar Quraysh aurait cherché refuge auprès d'Allah contre ses actions. Cheikh Saleh Sindi dit Umur taqa'u al-yawm min shirk al-qubur law 'uridat 'ala mushrik al-awwalin lasta'adhu billahi minha. Subhanallah. Des choses qui se passent à notre époque Si on avait proposé ces actions aux associateurs de jadis, Kuffar Quraysh, ils auraient cherché refuge auprès d'Allah contre ces actions. Ils sont pires dans leur shirk. Au jour d'aujourd'hui, ils font du shirk pire que celui que faisait Kuffar Quraysh. Et dans le livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, Ighathatul Lahfan, il nous décrit l'état des associateurs et de ceux qui adorent les tombeaux, ces associateurs. Il nous dit, ils voyagent vers les tombeaux de longue distance. Et se fatiguent et ont un entrain meilleur que ceux qui vont pour faire le Hajj et l'Umrah. Yani lorsqu'ils se dirigent vers les tombes et qu'ils voyagent vers les tombes, ils sont dans un état encore plus avec plus de quiétude, de recueillement, d'humiliation que lorsqu'ils vont pour Baytullah al-Haram. Vous avez compris? Ils voyagent pour la tombe de Sidi Foulan. Ils sont dans un état d'humiliation, de recueillement, d'avilissement plus grand, plus intense, plus complet que lorsqu'ils vont pour faire l'Umrah, que lorsqu'ils vont, qu'ils ont pour faire l'Hajj. Puis lorsqu'ils s'approchent de leur but, alors leur état s'intensifie. Leur humiliation, leur abaissement s'intensifie. Puis, lorsqu'ils se rapprochent de la tombe, ils baissent la tête, ils s'humilient, ils prennent de la terre et ont comme croyance qu'il y a la bénédiction dans cet endroit. Puis ils ne s'avancent pas directement, mais ils prient deux raka'a. Subhanallah. Ils prient deux raka'a auprès de cette tombe. Tahiyyatan lil mayyit. Comme nous, on prie deux raka'a fil masjid avant de s'asseoir, car le prophète sallam nous a dit de ne pas nous asseoir avant d'avoir pris deux unités de prière. Ces derniers prient deux raka'a auprès de la tombe. Puis il nous dit yamshuna bisakina wa dhul. Ils marchent avec recueillement, avilissement. Et ils se mada. ولا تسأل عن أنواع الشرك الذي يقع. Et on ne pourrait décrire toutes les formes de polythéisme qui en découlent. Ils égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils demandent l'aide à ce mort, le secours, la guérison. La femme qui n'a pas d'enfant demande des enfants, et ainsi de suite. Ce ne sont pas les mots qu'il y a dans Ighathatul Lahfan. Ce ne sont pas les mots qu'il y a dans Ighathatul Lahfan, vous revenez au livre. Et après tout ça, ils disent pourquoi est-ce que vous dites que nous sommes des mouchrikoun? Si ça c'est pas un shirk, un surah, il n'y a pas de mouchrikoun sur la terre. Si ça c'est pas du shirk, il n'y a pas de shirk sur la terre. Allah musta'an. Il y a aussi des jours précis où ils ont l'obligation de se rendre auprès des mahadas de ces tombes. Al-Jumu'ah. Ils y vont avec leurs enfants, avec leur famille. Ils recherchent l'aide, ils demandent le secours, égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal et font couler le sang. Ils reviennent avec de la terre et ainsi de suite. Les exemples sont nombreux. Al-Badawi dans tel pays, Ahmed Bamba dans tel autre, et ainsi de suite. Wallahu musta'an. Et pour rebondir sur la parole de notre frère Sadaq Wafaqahullah, ceux qui disent avec le plus grand manque de pudeur cette parole dépourvue de droiture et de science et de wara, pourquoi est-ce que vous parlez des tombes alors que nous on ne connaît pas les tombes et il n'y a pas de tombe ici et ceci et ceci? Est-ce que il n'y a pas de cimetière lorsqu'on roule en chemin? Vous avez vu les cimetières des Nasara ou pas? Tout ce qu'on voit dans les hadiths, vous le trouvez ou pas? Vous le voyez ou pas? Naam. Ensuite, la plupart de ceux qui sont dans la mosquée. T'es de quel pays? T'es de quel pays? T'es de quel pays? T'es de quel pays? T'es de quel pays? T'es de quel pays? Ça, on le sait. Toi, on sait. Taïr. Donc, Maroc, Tunisien, Sénégal, et ainsi de suite. Quand vous rentrez dans vos pays, ça existe ce dont nous parlons ou c'est un mirage? Ça existe ou pas? Allah, alhamdulillah, alladhi najjaka min hadha. Subhanallah. Donc le frère nous dit qu'il a vécu dans ce polythéisme. Mais alhamdulillah, maintenant il est dans le tawhid. Alhamdulillah. Non, depuis lors, j'étais allé voir. Ah, t'es parti voir. Alhamdulillah. Alladhi hafidhaka min ash-shirk idhan. Tu ne peux pas comprendre quelque chose. Eh. Tu ne connais pas la contenance. Non. T'as vu ça de tes propres yeux au Sénégal? J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, pour voir. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Des fois, ils ont fait des plaies sur Dieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme tu as dit, ils étaient à Kidou. Là-bas, les gens, les femmes, les hommes, les mélangés. C'est comme. Les femmes et les hommes étaient mélangés au cimetière auprès des tombes. Il y a quelqu'un qui est devant la porte. Et tu viens et il faut que tu le fasses. Tu rentres dans le tombeau. Allahu Akbar. Donc le frère nous dit que déjà tu rentres pas sans payer. Tu dois payer pour avoir le droit de rentrer auprès du tombeau. Et qu'est-ce qu'ils y font au tombeau? T'as pas vu plus loin? Lis le livre Kitab al-Tawhid et tu vas savoir ce qu'ils font auprès du tombeau. Allah musta'an, quoi qu'il en soit, on voit de manière évidente que cette kalam là elle est bâtée. De dire pourquoi est-ce que vous expliquez les ahkam concernant ceux qui adorent les tombeaux alors que nous ne sommes pas concernés. Nous sommes concernés car lorsque nous rentrons dans nos pays, il y a cela. Il y a cela. Est-ce que tu manges dans mon cours? Tu manges dans mon cours? Lève-toi, jette ce que tu as dans ta bouche. Nous sommes tous concernés. Et celui qui n'est pas issu d'un pays où il y a cela et qui dit je ne suis pas concerné, on lui dit relis le Coran. On lui dit relis le Coran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Relis le Coran. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Donc tout ça, ça fait partie de l'entraide, même si toi tu n'es pas concerné. Il y a des gens qui sont touchés, tu vas aller les conseiller, tu vas prêcher. Et quelle meilleure prêche que de mettre en garde les gens contre le shirk? Quelle meilleure prêche que de mettre en garde les gens contre le shirk? Ça c'est la da'wa même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu musta'an. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ra'a anasan yusalli wa fi qiblati qabrun. فقال له القبر القبر في أثناء صلاتي. عمر بن الخطاب a vu Anas ibn Malik en train de prier. Et par inadvertance, il s'était dirigé en direction d'une tombe. Et il lui a dit, la tombe, la tombe. Il lui a dit, la tombe, la tombe. Yani, fais attention à la tombe, fais attention à la tombe. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs. Le fait d'avoir présent dans notre cœur que le shirk c'est le pire péché. Et soit qu'on doit appeler les gens, c'est At-Tawhid. Nuh alayhi salam a prêché pendant de nombreux siècles. Est-ce qu'il a dit un jour, yani c'est bon, j'ai assez parlé dans ce sujet là? Quelqu'un qui fait da'a pendant un an, deux ans, dix ans, dit c'est bon, yani At-Tawhid, on connaît, et ainsi de suite. Subhanallah. Regarde les savants, Cheikh Salah Fawzan, à quel âge? Et il enseigne Fath al-Majid. Il est dans Fath al-Majid et il a fini Kitab al-Tawhid. Combien de fois? Combien de fois? Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans une seule ville, où il était qadi, si mes souvenirs sont bons, il a enseigné 100 fois l'usul al-thalatha. 100 fois? À Taif. Il a enseigné 100 fois l'usul al-thalatha. C'est pas dans sa vie, hein. Ça c'est à Taif. À Taif, il a enseigné 100 fois le usul salat. Dans la mosquée, quand on a fait une deuxième fois le usul salat, les gens se sont interrogés. Nahnu al-muqassirun. Deux fois, et pour les gens, yani, masha'Allah, j'étudie deux fois le usul salat, Tu diras Alhamdulillah que tu es le meilleur le jour où tu répondras correctement dans la tombe aux trois questions. Le jour où tu répondras, quand les anges vont t'asseoir dans ta tombe et te dire Man Rabbuk, Man Dinuk, Man Nabiyuk, si tu réponds Alhamdulillah, à ce moment-là, tu auras assez étudié At-Tawhid. Allah, Wallahu A'lam. Malgré ça, Allahu A'lam, est-ce que tu auras assez étudié At-Tawhid? Et lorsque les gens disent At-Tawhid Arafna, ben tu assistes à ce que tu assistes. Les gens qui se dirigent auprès des tombeaux et adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes disent Tarakna lakum shirk al-qubur wa tawajjahna nahnu ila muharabati shirk al-qusur. Certaines personnes disent, avec genre d'innovation, on vous laisse le polythéisme des tombes et nous on s'occupe maintenant des gouverneurs, du polythéisme des palais. Hein? On s'occupe nous des gouverneurs, on vous laisse vous les tombes. D'accord? Allahu musta'an. Le texte suivant, قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا أو وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج. والابن جرير بسنده ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف هو أصل تفاسير الآثار. Donc ابن جرير, c'est ابن جرير الطبري, son nom Muhammad, et son tafsir est une base, un des plus grands et un des meilleurs livres d'exégèse du Coran. Il est mort en l'an 310. Selon sa propre chaîne de transmission, d'après Soufyan, Al-Azhar annahu Soufyan al-Thawri, comme a dit Sahib al-Taysir, Ibn Sa'id al-Thawri, Rahimahullah ta'ala, l'imam al-Ma'ouf, il est mort en l'an 161. An Mansour ibn Mu'tamir, Thiqatun, il est mort en l'an 132. An Mujahid wa ibn Jabr al-Makki, Thiqatun, imam al-Mufassirin, fi zamani, inda tabi'in. Mujahid, c'est Mujahid ibn Jabr, de la Mecque, et c'est l'élite des exégètes du Coran à son époque. Et sachez, pour anecdote, qu'il a récité trois fois le Coran sur Ibn Abbas, et qu'à chaque verset, ou bien qu'Ibn Abbas a récité sur le Coran, et qu'à chaque verset, il l'arrêtait pour avoir le tafsir. Il lui posait des questions. Imaginez la science qu'il a appris. Le Coran entier avec le tafsir d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. Une fois ou trois fois, je ne me souviens plus, il est décédé en l'an 104. Donc, concernant le verset Afaraytum al-Lat wal-Uzza, avez-vous vu al-Lat al-Uzza, ces fausses divinités? Alhamda Afaraytum l'istifham wal-khitab li'abidi hadhihi al-asnam wal-murad huna at-tahqir kama sabaqa al-kalam. Donc, avez-vous vu al-Lat wal-Uzza? C'est pour mépriser et rabaisser ces fausses divinités. Puis l'auteur nous explique le sens de ce verset d'après la parole des pieux prédécesseurs. D'après Mansour, d'après Mujahid, qui a dit concernant la parole d'Allah, avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza? Al-Lat était un homme pieux qui broyait du sawiq pour les pèlerins. Lorsqu'il est mort, les gens se sont recueillis sur sa tombe. Al-Lat, il y a deux lectures. Al-Lat avec une shadda, c'est son fa'il, donc c'est la personne. Et sans la shadda, Afaraytum al-Lat wal-Uzza. Alors à ce moment-là, c'est une pierre, une grosse pierre qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et là, t'as avec la shadda, c'est cet homme pieux. D'accord ? C'est cet homme pieux. Donc c'est un homme pieux qui était généreux et qui honorait les pèlerins. D'accord ? Et qui mélangeait une sorte de pâte avec de la farine et il mettait de l'huile pour que ce soit plus agréable à la consommation. Et d'autres choses. Lorsqu'il est mort, ils se sont recueillis auprès de sa tombe, ils sont restés et ils lui ont voué ma'adha l'adoration wa l'ayyadu billah. Donc, عظموا ولزموا يعني بلزوم قبره وتعظيمه وغير ذلك من انواع العبادات. Donc, ils lui ont voué l'adoration. L'i'tikaf, comme vous le savez, c'est une adoration. D'accord ? Comme dans le verset, wa antum aakifina fil masajid. Ils l'ont émancipé. Donc, comme croyance qu'il y avait une bénédiction dans cet endroit car il y avait cet homme pieux et ainsi de suite. Donc il a été adoré en dehors d'Allah et c'est shahid. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? On comprend que cet homme pieux, lorsqu'il est décédé, ils sont venus, ont adoré Allah Azza wa Jal auprès de sa tombe. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est exactement le titre de ce chapitre. Ibn al-Jawza a dit la même chose, Aws ibn Abdillah. Il est décédé en l'an 83. Ceci est dans Madal Ind al-Bukhari. L'auteur a cité ce athar car on y voit que cet homme pieux, Al-Lat, on a exagéré au sujet de sa tombe et au final il a été pris en divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا التحذير من الغلو في قبور الصالحين. Et dans cela, elle est mise en garde contre l'exagération au sujet des tombes de personnes pieuses. Comme écrire dessus, élever la tombe, na'am, et toutes sortes de choses qui n'ont pas été légiférées. Et lorsque le roi passé d'Arabie Saoudite, rahimahullah, est décédé, les médias ont suivi ce. Et il n'y avait qu'une pierre. Et ils ont critiqué le royaume. Pourquoi? Parce que c'est un roi et qu'on n'a mis qu'une pierre. Et pour eux, c'est impensable qu'une personne ayant cette place dans le pays soit enterrée qu'on n'y mette qu'une pierre. Alors que nous, dans l'islam, il n'y a pas de différence. Lorsque tu enterres le noble et l'autre, le riche et l'autre, il n'y a pas de différence. L'homme, la femme, tout le monde est enterré de la même façon. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est d'elle qu'on vous avait sorti et c'est vers elle que sera votre retour et d'elle que nous vous ferons sortir à nouveau. C'est-à-dire qu'on a été créé de la terre, notre père Adam alayhi salam a été créé de la terre et nous on revient vers cette terre lorsque nous sommes enterrés puis on sera ressuscité. Et pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces limites? Afin de préserver la communauté du mazaj politéisme. Al-Uzza, comme on avait déjà cité, c'est un ensemble d'arbres dans un endroit qui s'appelle Nakh. Et c'était une des plus grandes idoles adorées chez Kuffar Quraysh, chez les Arabes de la Jahiliya. Puis l'auteur nous dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Et selon ابن عباس رضي الله عنهما, quel est le prénom de Ibn Abbas? Qui est-ce qui connaît la réponse? Qui est-ce qui connaît la réponse? Ayyub, Indak. Quel est le prénom de Ibn Abbas? Allahu alam. Allahu alam, c'est une bonne. Ça peut que être une bonne réponse. Mais quel est son prénom? D'accord. Avec qui t'es venu? T'es venu avec qui? T'es venu tout seul? Oui. Abdullah. Abdullah. Plusieurs parmi les compagnons ont comme prénom Abdullah. Quelle est la kunya de Abdullah ibn Abbas? Ant. Quelle est la kunya de Abdullah ibn Abbas? Toi. T'es venu avec qui? Comment? عندك لا كنية عبد الله بن عباس أنت نعم لا يا أختوة عند من توتي تدخل معا خانا excuse moi je veux pas te fatiguer te pousser à élever ta voix بارك الله فيك تفضل Là, la kunya, c'est ce qui est pris du nom du père ou de la mère. Quand tu dis le père d'un tel, par exemple, la kunya du prophète sallam, c'est Abul Qasim. D'accord? Tafadhal. Comment? Là. Tafadhal. Abul Abbas radiyallahu anhu. Il se nomme Abdullah ibn Abbas et sa kunya est Abul Abbas. Hakadha. Dans quel hadith de Arba'in Nawawiyya? Nous avions appris cela. Et dans quel numéro? Quel est le numéro? Qui est-ce qui a écrit l'Arba'in Nawawiyya? J'ai plein de questions. Naam. Soumari, comment se nomme l'auteur de l'Arba'in Nawawiyya? Ah, t'étais pas là. On interroge tout le monde, même les papas ne sont pas à l'abri. Un jeune papa, toi, je veux des papas. عندك الإمام النووي يحيى بن شرف الدين النووي كلا لا كنية للإمام النووي vous pensiez pouvoir dormir dans mon cours عندك أتدري toi t'as assez répondu pour aujourd'hui خلي الناس يجيبون عند من ما تدري تفضل ابو زكريا اكيلا شمعي الامام النووي تبيدي اخوال ابو زكريا سيدير le père de زكريا ها اكيلا شمعي الامام ماذا النووي عند من C'est pas marié. Non, il ne s'est pas marié. Donc on peut prendre une kunya sans se marier. Non, tu peux donner une kunya même à un enfant. Yaba Umayr, dans le hadith, le frère d'Anas ibn Malik, c'est un enfant, il lui a donné une kunya. Tu peux donner la kunya à l'enfant même s'il est dans le ventre de sa mère, tu peux lui donner la kunya. Ma fi mushkil. Tayyib. Restez quoi comme question? Dans quel hadith on a vu ça dans l'Arba'in Nawawiyya? Le numéro. Numéro 19, Hassan. Barakallahu fi. Comment commence le hadith? An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum. قلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام Barakallahu fi, حفظك الله. C'est un hadith azim, ça on doit tous l'apprendre. Hadith numéro 19 de l'Arba'in Nawawiyya. Hein? C'est un hadith azim jiddan. Et on y voit l'éducation de Maza, du Prophète sallam pour Abdullah ibn Abbas. Il l'a éduqué sur le tawhid min awwali yawm. C'était un enfant, il lui a appris le tawakkul ala Allah, il lui a appris le tawhid, il lui a appris à demander qu'à Allah azza wa jal. Il lui a appris que tu dois avoir peur de personne, mais tu dois espérer qu'en Allah azza wa jal. Et que tout ce qui se passe est décrit. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était pour vous redonner un peu de vigueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui prennent ces tombes comme lieu de prière et les ornent de lampes. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aida'a alayhim bil la'na. Wal la'natu At-tard wal-ib'ad min rahmatillah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre ces gens et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de les maudire. Que signifie qu'Allah maudisse un tel? Ça veut dire, ya Allah, éloigne ces gens et exclue-les de ta miséricorde. Voici le sens de la anatullah. On dit qu'Allah maudisse un tel, c'est-à-dire qu'il l'éloigne de sa miséricorde et l'exclut de sa miséricorde. Envers qui cette dua a été dirigée? Zairat al-qubur, celle qui visite les tombes. Zairat, jam'u zaira, donc on parle des femmes. Donc, de quelle visite il s'agit? Elles sortent de chez elles pour se rendre au cimetière et visiter les tombes et les tombeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Ensuite, وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ, et ceux qui prennent ces tombes comme lieu de prière. هَذَا هُوَ الشَّاهِدِ. D'accord, ceux qui prennent ces tombes comme lieu de prière. أَيَا الَّذِينَ وَعُونَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ إِمَّا بِالصَّلَاةِ عِنْدَهَا أَوْ بِالْبِنَاءِ, ainsi de suite. Donc, ceux qui y prient ou bien ceux qui construisent des endroits où ils y adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, le prophète invoquait Allah afin qu'il les maudisse. وَالسُّرُوج, السُّرُوج جَمْعُ سِرَاج, يعني tout ce qui éclaire, les lampes et les choses semblables. Donc le prophète a maudit ceux qui illumine ces endroits-là et orne ces endroits de lampes. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela? Ta'ziman, ou maza, ils exagéraient à l'égard des tombes et immensifiaient ces tombes. Donc c'est de l'exagération qui peut faire tomber les gens dans le polythéisme. L'auteur a dit Rawahu Ahlus Sunan. Qu'est-ce qu'on entend par Ahlus Sunan? Hein? Les gens, yani as-sunan, quand on entend le mot as-sunan, ça fait référence à quel livre? Sunan Abi Daoud, hein? An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Quand on dit Ahlus Sunan, c'est eux. D'accord? Et quand on dit Al-Khamsa, on rajoute l'Imam Ahmed. Et ensuite, il y a le Silah. Il y a plusieurs mazas terminologiques chez les savants. Et quand on dit Kutub al-Sitta, on rajoute l'Imam Bukhari, l'Imam Muslim. Et chez d'autres, c'est différent. D'accord? كما اكسبليكي شيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى محدث المدينة وعلامة المدينة حفظه الله تعالى ولكن هنا لم يرويه النسائي. Donc l'auteur nous dit que ça a été rapporté par les auteurs des sunan. Néanmoins, يعني, probablement qu'il a voulu dire la plupart de أهل السنان, car l'imam An-Nasa'i n'a pas rapporté ce hadith. Donc vous notez que l'imam An-Nasa'i lui n'a pas rapporté ce hadith. Il a été aussi rapporté par Mohammed. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah azza wa jal pour qu'il maudisse les femmes qui visitent les cimetières, qui se rendent aux tombes. Car dans cette visite, il peut y avoir beaucoup de mal. Car la femme, par nature, Maza est plus sujette à perdre patience, se lamenter et ce genre de comportement qui ne plaît pas à Allah Azza wa Jal. Aussi, il peut y avoir des Maza de la mixité ensuite dans Maza les cimetières et ça peut être une fitna pour les rijal. Il a maudit ceux qui prennent les cimetières comme lieu d'adoration et également ceux qui mettent des lampes et qui orne les cimetières ainsi. لأن كل هذا من الغلو فيها ومدعاة للشرك بماذا أصحابها. Pourquoi cela? Car ça, c'est une cause qui peut faire tomber les gens dans le polythéisme. مناسبة الحديث الباب تحريم الغلو في القبور لأن ذلك يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car il y a l'interdiction d'exagérer au sujet des tombes car ça les amène à être adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et parmi cette interdiction et cette exagération, le fait de prendre les tombeaux en lieu de prière. Parmi ce qu'on tire de ce hadith, l'interdiction d'exagérer au sujet des tombes et de les prendre en lieu de prière, car ça fait tomber les gens dans le shirk. On tire de ce hadith an al-ghulu fi al-qubur min kaba'ir al-dhunub. C'est un grand péché d'exagérer au sujet des tombes. Pourquoi? Car on nous dit qu'il y a al-la'na, la malédiction. Et tout ce mada, tout péché où on y cite une malédiction, c'est que c'est un grand péché. تحريم زيارة النساء للقبور, l'interdiction aux femmes de visiter les cimetières. وأنه من الكبائر, c'est même un grand péché. طيب. ما حكم زيارة النساء للقبور, quel est le jugement de la visite des cimetières pour les femmes? اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال زاد بعضهم قولا رابعا. Les savants ont divergé sur cette question. Premièrement, le premier avis est de dire que c'est muharram. وَمِنَ الْكَبَائِرِ, c'est interdit, ça fait partie des grands péchés, pour preuve ce hadith et d'autres. Deuxièmement, c'est makruh, c'est détestable. C'est-à-dire qu'on ne l'encourage pas à le faire, mais si elle le fait, alors elle n'aura pas commis de péché. Le troisième avis, tajouz ziyaratun nisa lil qubur, c'est de dire que c'est permis pour les femmes de visiter les tombes. Chacun a mené des preuves, l'avis prépondérant selon beaucoup de savants est de dire que c'est tahrim mutlaqan, c'est interdit de manière absolue pour preuve le hadith que nous venons de lire. Et les preuves de chacun, inshallah, seront citées lorsqu'on aura plus de temps, inshallah. J'avais prévu de les citer, mais vu que le cours a quelque peu tardé, de par ma lenteur, ma fatigue, et de l'excellente intervention de notre frère Saad, waffaqahullahu ta'ala. On reportera cela à notre moment, qu'Allah Azza wa Jal nous facilitera, inshallah ta'ala. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit une parole sage. Il nous dit wa al-muhimmana wasa'il ash-shirk yajib 'ala al-insani yabta'id 'anha ibti'adan 'aziman wa la yaqdur liz-zaman alladhi huwa fihi. Tayyib. Il nous dit ce qui compte, c'est que nous devons tous nous éloigner de toutes les causes faisant tomber dans le shirk. Ne dis pas, moi, à mon époque, c'est bon, il n'y a pas ça. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Préserve la aqidah. Vois à long terme. Regarde ce qui s'est passé dans le peuple auquel a été envoyé Nuh. Hein? Ils ne les ont pas adorés, mais après un long moment, lorsque la science est partie par l'amour des ulama, ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jalla. Et on ne trouve pas de texte encourageant la femme à aller dans les cimetières. Par contre, on trouve des textes montrant que ça fait partie des grands péchés. Donc, quand bien même il y a une divergence, la personne s'éloigne des causes du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête sur ça. Donc on entamera, inshallah ta'ala, le chapitre suivant demain, inshallah ta'ala. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين آمين. Est-ce que le mot Aoussan a le même sens que le mot Tarot? Pas forcément. Pas forcément. Revenez à l'explication de l'Usul Thalatha. Inch'Allah, cela sera plus clair. Car il y a du Tarot, un Mada de manière autre. Que, que dans l'adoration de Allah Azza wa Jalla, alors que le Mouassan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Donc il y a eu mise en garde contre la tariqa Tijaniya. Est-ce que la voie de Jama'at al-Tablir est une bonne voie ? La voie de Jama'at al-Tablir est une voie mubtada'a. La voix du groupe d'établir est une voix innovée, égarée. D'accord ? Et ça a comme base également le soufisme. Et le soufisme est mauvais. Entretenir une tombe, si vous entendez par cela Mada, la mettre à l'abri de toute nuisance, ça fait partie de la sunna. Mais si vous entendez par cela arroser les fleurs et ce genre de choses, mayadjouz, de mettre des fleurs et ces choses-là, ces innovations, tout ça. D'accord ? Le comportement dans l'islam, il y a juste milieu. Il y a un comportement à avoir envers les tombes. Donc de respecter les cimetières et les tombeaux, c'est la sunna. D'exagérer, c'est la bid'a et c'est le mal. Donc on est dans le juste milieu. On ne marche pas sur les tombes. Prophète n'a pas permis de marcher avec ses sandales autour des tombes. D'accord ? Maza, on ne les enterre pas n'importe où. Et ainsi de suite. Il y a un comportement, il y a un respect. D'accord ? Il y a un respect. Mais de l'autre côté aussi, on n'exagère pas au point de faire des choses qu'Allah Azza wa Jal n'a pas permis ni légiférer. On ne construit pas sur une tombe, rien du tout. D'accord ? On ne construit pas. Ceux qui ont demandé des livres chez les femmes, Inch'Allah, demain, on vous les fera parvenir. C'est au début du cours qu'il faut demander des livres. Probablement qu'elles sont arrivées par la suite. Et que de par leur excellent comportement, elles n'ont pas voulu déranger le bon déroulement du cours. C'est ça le bien que tu penses, Sofiane, des musulmans ? Non ? Il y a une personne qui dit je ne suis pas allé en Algérie pendant 20 ans. Je ne comprends pas bien, mais je comprends. Si je ne me trompe pas, son père est enterré. Donc je suis allé au cimetière pour le voir, comme le prophète sallam nous a dit d'aller au cimetière pour nous rappeler la mort et cela et légiférer. La première chose que j'ai vue, des femmes, des enfants, des tombes, je pense, des gens de leur famille. Faire des actes d'adoration, et spécialement le vendredi matin. Tout cela fait partie de l'innovation. Dans le cas où ils adorent Allah Azza wa Jalla. Et dans le cas où ils adorent qu'Allah Azza wa Jalla, alors c'est du shirk. D'adorer Allah auprès d'une tombe, c'est une bid'a. D'accord ? Et d'adorer qu'Allah Azza wa Jalla, c'est du shirk akbar. D'accord ? En ce qui concerne la parole de la personne, Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Le prophète sallam a encouragé les hommes à aller visiter les cimetières, pas les femmes. Quand on unit entre les textes, on trouve quoi ? La'anallahu za'irat al-qubur. Qu'Allah maudit celles qui visitent les tombes. Et de l'autre côté, on trouve quoi ? Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhir. Donc d'un côté, qu'Allah maudit celles qui visitent les tombes, et de l'autre côté, je vous avais interdit la visite des tombes, visitez-les maintenant car elles vous rappellent l'au-delà. D'accord ? On unit entre les deux textes, on dit quoi ? On dit que l'encouragement et la sunna, c'est pour qui ? C'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Ainsi, on unit entre les ahadiths. D'accord ? Et celui qui m'a spécifié des adorations dans un jour précis, en pensant qu'il y a un mérite et ainsi de suite, tant que cela ne soit légiféré, c'est une innovation. D'accord ? Pour la personne qui demande, doit-on dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on récite Al-Fatiha dans la prière, car je n'entends pas quand l'imam le fait. Si vous ne l'entendez pas, Alhamdulillah, parce que ça veut dire que l'imam suit la sunna dans cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la basmala, donc bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais à voix basse. La sunna, c'est que l'imam, lorsqu'il prie derrière, lorsqu'il prie en groupe ou seul, dise bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou bien a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à voix basse. Puis, dans les deux premières raka'a du fajr, du maghrib, du Isha, du Jumu'a, d'accord ? Il récite à voix haute. D'accord ? Donc il commence à réciter où ? Maza, quel passage à voix haute ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pas avant. D'accord ? Pas avant. Quelle est la preuve de cela ? Les Sahaba ont dit صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر وعمر فلم أسمع بسم الله الرحمن الرحيم. Un compagnon dit j'ai prié derrière le prophète sallam, j'ai prié derrière Abu Bakr, j'ai prié derrière Omar et je n'ai jamais entendu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on le dit à voix basse. Dire à voix basse, ça ne veut pas dire le penser, attention. Il faut bouger les lèvres. D'accord ? Sinon ça s'appelle penser, pas dire. Celui qui prie tout seul et il pense seulement le Fatiha, sa prière elle est partie là. Hein, ta prière est basse, il a le doigt. Et quand tu restes à voix basse, tu dois bouger les lèvres. Que tu fasses, même si tu ne peux pas sortir le son, mais au minimum, tu dois faire un. Vous pouvez disposer, sauf si vous voulez rester au masjid, attendre la salat, lire le Coran, vous occuper, sinon quoi il y a votre bien. Une femme qui fait jira, est-ce qu'elle a le droit de venir en France pour accoucher ? C'est la nécessité. Safar al bilad al kufr jaiz, mishurut. Le fait de visiter, de voyager vers un pays kafir, c'est permis avec des conditions. Parmi les conditions, la nécessité. Si elle nécessite, elle peut venir. À quel moment il faut lever les bras ou les mains dans takbir, dans la salat? Sahaba ont dit que le Prophète levait les mains dans takbiratul ihram. Donc le takbir par lequel on entre dans la salat, on lève les mains. Lorsqu'on rentre dans la salat, on dit Allahu Akbar. Le deuxième moment, c'est lorsqu'on fait takbiratul intiqal pour passer du qiyam au ruku'a. Lorsqu'on va passer de la station debout à la station inclinée. Donc on dit Allahu Akbar après avoir fini de réciter le Coran et on lève les mains et on descend en rukou'. Troisièmement, lorsqu'on se relève en disant Sami Allahu liman hamida, puis on est debout. Lorsqu'on atteint la position debout, on dit Rabbana wa lakal hamd. À ce moment-là aussi, on lève les mains. Ça fait combien ? Ça fait trois. La quatrième fois, c'est après At-tashahud al-awwal, après le premier tashahud lorsqu'on se relève pour la troisième raka'a. Hein? Après le premier tashahud lorsqu'on se relève pour la troisième raka'a, on lève les mains. On lève les mains. Voici les quatre moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Donc de toujours lever les mains dans ce dans cette situation, c'est la sunna. Ensuite, il y a d'autres choses encore à ça. La mas'ala du niqab, revenir au sein. Mais sans aucun doute, si la femme a besoin d'aller au médecin ou a une grande nécessité qu'elle se voit dans l'obligation, sans aucun doute, elle peut le faire si elle nécessite, qu'elle ne peut éviter. De là à dire que c'est hypocrite, là, on ne peut pas dire ça. La femme qui est enceinte, la question du jeûne ou de ne pas jeûner, ça revient à elle. Si elle a la capacité de jeûner, elle jeûne. Si elle ne veut pas jeûner, elle ne jeûne pas. Et plus tard, elle rattrapera ses jours de jeûne. Donc elle ne jeûne pas, si elle ne peut pas. Et plus tard, elle rattrapera ses jours de jeûne. Pareillement pour l'allaitement. Donc dans ce cas-là, on n'a pas à nourrir de pauvre. Celui qui nous impose, c'est celui qui n'a pas la capacité de jeûner. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Celui qui a une maladie, qu'on appelle incurable, ou bien qui a atteint un âge où il ne peut plus jeûner. Ce sont eux qui nourrissent. C'est l'avis de beaucoup de savants. Et si elle dit autour de chez elle, il n'y a pas de pauvres à nourrir, dans le cas où elle doit nourrir des pauvres, yani, elle donne l'argent à quelqu'un d'autre qui connaît des pauvres, où elles vont. Elles se rendent dans une mosquée et eux connaissent les pauvres. Tout endroit il y a du shirk et qu'on peut l'enlever sans que ça ramène un mal plus grand, il faut l'enlever. Alors. À la fin de la Fatiha, l'imam dit Amin. Donc lorsqu'il dit Ghayril maghdoubi alayhim wala dhalin, ensuite il dit Amin. Ça c'est la sunna à voix haute. Et la sunna, c'est que les gens derrière lui, hein, c'est que les gens derrière lui, lorsqu'ils commencent à dire Amin, disent avec lui Amin. Le prophète sallam nous dit Da'amman al-imam fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanb. Lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Celui dont la parole concordera avec la parole des anges, Maza, on lui pardonnera. Dont le Amin concordera avec la parole des anges, on lui pardonnera ses péchés passés. Donc on ne devance pas l'imam. Lorsque l'imam dit lorsqu'il commence à dire Amin, on dit avec lui. D'accord? À voix haute. À voix haute, pas Amin. Non, Amin, fort. Les gens se disputent dans la mosquée et crient sans pudeur. Et pour le faire la sunna, il n'élève pas la voix. Sahih alala. Vous n'entendez pas les gens crier dans la mosquée, manquer de respect à ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait sacré? Oui. Ben ça, c'est une sunna d'élever la voix lorsqu'on dit Amin. D'accord? Maintenant, si l'imam ne dit pas Amin, toi dis Amin. Si l'imam lui ne dit pas Amin, toi dis Amin. Ce n'est pas une obligation, c'est une partie de la sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On m'a demandé de poser une question, de poser une un peu complexe. Donc, السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جزاك الله خير. Père, il fait pas salat. Savants disent, comme tu vois sur Allah, qu'il fera pas le.